بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du lundi 13 Rabi al-Thani de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au 7 novembre 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette soirée avec nos frères du centre Al-Furqan à Bruxelles et autres, afin de traduire cette allocution qui a été donnée par notre noble cheikh Abdullah ibn Abdelrahim Al-Bukhari, qu'Allah le préserve, une allocution d'orientation générale. Pour l'ensemble des musulmines à travers le monde. Qu'Allah le récompense et qu'Allah fasse que ce soit dans la balance de ses bonnes actions. Le cheikh a commencé cette allocution au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et en adressant les éloges et les salutations à notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que cette allocution, il l'adresse aux frères qui l'écoutent pendant cette rencontre dans laquelle ou qui est un rappel pour lui-même en premier et pour ses frères en deuxième lieu, et pour l'ensemble des musulmines en troisième lieu. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de lui, ainsi que tous ceux qui l'écoutent, parmi ceux qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Certes, notre Seigneur exauce l'invocation. Il est connu pour vous tous que l'être humain, dans ce bas monde, il passe par des phases et des états, comme ceci est le cas de tous les humains. Ils passent de la joie à la tristesse, du bonheur à la peine et l'affliction, des malheurs aux événements heureux. Le serviteur dans ce bas monde, il est forcément dans un de ces trois états. Le premier état, c'est l'état des bienfaits. Et le deuxième état, c'est l'état des péchés. Et le troisième, c'est l'état des épreuves. Donc forcément, l'être humain dans ce bas monde, il est dans une de ces trois situations, dans toute sa vie. Son devoir face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et de se montrer reconnaissant avec les paroles et les actes et les croyances, et son devoir vis-à-vis des péchés quand il commet un péché, c'est de demander pardon et de se repentir de ce qu'il a commis comme péché et désobéissance. Et son devoir face aux malheurs par lesquels il est touché face aux épreuves, c'est de patienter et d'endurer en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, il est forcément dans un de ces trois états dans ce bas monde, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Wabil al-Sayyib et autres. Il n'y a aucun doute que les catastrophes et les épreuves et les malheurs par lesquels il peut être touché le serviteur ont une amertume et elles sont accompagnées de tristesse et de peine et de douleur. Mais quand le serviteur médite au sujet de cette épreuve par laquelle il est touché, et il réfléchit profondément, il saura qu'il y a un immense bienfait pour lui dans l'épreuve par laquelle il est touché. S'il médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » et fait la bonne annonce aux endurants. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Et dans le hadith authentique rapporté de notre prophète alayhi salatu wassalam dans l'authentique de l'imam Muslim et autres recueils de la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam a dit مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ. Il n'est pas une personne, il n'est pas un serviteur touché par un malheur et qui ne dise Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par meilleur que lui. Illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha. Sans qu'Allah ne le récompense dans son malheur et ne lui accorde meilleur que lui. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Si le serviteur y médite au sujet de ce verset béni dans sourate al-Baqarah et ce hadith authentique ainsi que les autres textes qui ont été rapportés dans le même sens, il saura avec certitude que cette clarification bénie dans les deux révélations, le livre d'Allah et la sunna authentique de son noble messager, est le remède le plus efficace, le remède le plus efficace de son malheur et de ses peines, et que le remède qui a été décrit dans ce verset en particulier et le hadith qui a été cité, ce remède est le remède le plus profitable pour le serviteur. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, il n'y a pas de remède plus profitable, ni de remède plus efficace contre ces tristesses et ces peines par lesquelles peut être touché le serviteur suite à un malheur, à une épreuve difficile. Il n'y a pas plus profitable que ce qui a été révélé dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Car ce verset, il comporte deux fondements importants, deux principes fondamentaux. Quand le serviteur, il les réalise et il s'y conforme, cela sera la plus grande consolation contre son épreuve et contre son malheur, et le plus grand des soulagements de toutes ses peines. Allahu Akbar. Comme ça a dit l'imam Ibn al-Qayyim. Ce texte que Cheikh a commenté dans cette allocution est un texte tiré de Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc Cheikh, il dit, quels sont ces deux fondements importants et quelles sont ces deux grandes bases comporté dans ce verset béni dans Sourate Al-Baqarah. Il dit, peut-être que beaucoup de gens lisent ce verset. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Peut-être que beaucoup de gens lisent ce verset et même le mémorisent. Et peut-être que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas médité, encore moins n'ont pas réfléchi au sujet de ces deux grands fondements comportés dans le verset de Sourate Al-Baqarah. Alors, quels sont ces deux points importants? Le premier, dit l'imam Ibn al-Qayyim, le premier, c'est que le serviteur, sa famille, ses biens, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. Il n'appartient qu'à Allah en réalité. Et c'est à Allah que ça appartient en toute vérité. Et Allah l'a confié au serviteur comme un prêt, comme une chose prêtée. Et si Allah, il le récupère, subhanahu wa ta'ala, s'il récupère ce qu'il a donné à ce serviteur, alors c'est comme celui qui a emprunté une chose et qui récupère ce qu'il a prêté. Donc ça appartient à qui, véritablement, toutes les choses dont jouit le serviteur, à commencer par lui-même, sa famille, ses biens et tout ce que Allah lui a octroyé, ça appartient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça appartient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Qayyim poursuit en disant, et aussi, faut savoir que ces bienfaits dont jouit le serviteur sont entourés par deux néants. Un néant qui l'a précédé, qui a précédé le bienfait. C'est-à-dire, il était inexistant. Et un néant qui l'a suivi. Ça lui appartient plus. Cheikh, il dit, en commentant, si quelqu'un y dit, cette maison qui m'appartient, ces biens, cet argent qui m'appartient. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Et il énumère des bienfaits qu'il a en sa possession. Nous lui disons, oui, ça t'appartient. Mais c'est une possession qui te permet de jouir et de tirer profit de ces bienfaits d'Allah sur toi. C'est pour ça l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit, la possession du serviteur de ses bienfaits est une possession de profit et de jouissance. Et ça lui a été confié, prêté pendant une durée temporaire, une petite durée, une courte durée. Et aussi, faut savoir que c'est pas le serviteur qui a donné existence à ses bienfaits. Après qu'elles étaient inexistantes, après qu'elles étaient un néant. Donc ce bienfait n'existait pas. C'est pas le serviteur qui lui a donné existence pour que ça lui appartienne véritablement. C'est pour ça le serviteur, cher, il commente, le serviteur, il quitte ses bienfaits. Il laisse tous ses bienfaits derrière lui, après sa mort. Et rien ne l'accompagne dans l'au-delà de ses bienfaits. Tout reste derrière lui. Allahu Akbar. Et aussi, c'est pas le serviteur qui protège ses bienfaits d'être touché par des désastres et des malheurs et des catastrophes après qu'elles deviennent existantes. Donc, c'est pas lui qui a donné existence à ses bienfaits et c'est pas lui qui les protège et qui permet que ses bienfaits continuent, qui les protège de tout ce qui touche les bienfaits. La mort, la maladie, la faiblesse, la disparition, et ainsi de suite. Celui, cher, il commente, celui qui protège les bienfaits, c'est Allah. C'est Allah qui donne, et c'est Allah qui ôte. C'est Allah qui apporte les profits et c'est Allah qui repousse les malheurs. Et quelles que soient les précautions que tu prends en compte et quelles que soient les causes que tu fais pour protéger ces bienfaits, c'est Allah qui les protège réellement. C'est pour ça combien de personnes font énormément de causes pour protéger les bienfaits, à savoir l'argent, la richesse, la santé. Mais quand Allah le décide, elles sont touchées parce que Allah a décrété. Donc le serviteur, en réalité, il n'a pas d'effet direct sur ses bienfaits, ni une véritable possession. Et aussi, un autre point, le serviteur, il agit et il gère ses bienfaits dans la conformité aux ordres de celui qui lui a octroyé ses bienfaits. Donc, il agit dans ses bienfaits, dans son argent et dans toutes les grâces et les faveurs d'Allah sur lui, il n'agit pas comme bon lui semble, comme il veut. Non. Il est géré par une loi divine, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il doit se conformer. Il a des ordres et des interdits. Et il n'agit pas comme le véritable propriétaire qui fait tout ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. C'est pour ça qu'il ne lui est pas autorisé d'agir dans ses bienfaits que dans la conformité aux ordres du véritable propriétaire à qui ça appartient véritablement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith Hassan, rapporté par Tabarani et autres, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Il n'y a pas un serviteur qui quittera sa station devant Allah dans le cadre du jugement jusqu'à être interrogé au sujet de quatre. Et parmi ces quatre, ses bienfaits, d'où et ses richesses et son argent, d'où il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Il sera interrogé sur chaque centime. D'où il l'a gagné? Est-ce qu'il l'a gagné de le halal ou pas? Et dans quoi il l'a dépensé? Est-ce qu'il l'a dépensé dans le halal ou pas? Car il est tenu d'agir dans ses bienfaits dans la conformité à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera interrogé au sujet de sa jeunesse, dans quoi il l'a passé, et de sa vie, dans quoi il l'a épuisé. Si tu réalises cette vérité et ce fondement, le premier qui a été cité par l'imam Ibn al-Qayyim, ça allégera tes peines et ça te soulagera dans ce malheur par lequel tu es touché. Et cette épreuve qui t'a été décrétée. Car c'est Allah qui l'a décrétée. Et c'est Allah qui l'a voulu. Ton devoir est de faire preuve d'endurance et de patience. Et de supporter. Et de patienter. Et de louer Allah sur ses bienfaits sur toi. Et de lui demander de te préserver, de te raffermir sur ta religion. Ainsi, cette épreuve se transformera pour toi en un bienfait, en une faveur. Le deuxième fondement, tiré de ce verset de Sourate al-Baqara, et qui représente avec le premier, je le rappelle, le remède le plus efficace et le plus profitable pour le serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà quand il est touché par des malheurs. Le deuxième fondement, c'est que le serviteur retournera vers son Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son véritable maître. Dans beaucoup de versets dans le Coran, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Tu mourras certainement, et eux aussi mourront certainement. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. Votre retour se fera vers Allah. Votre retour à tous se fera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous retournerez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Allah dit: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Celui qui fera ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi en bien, il le verra. Il le verra devant Allah. Et celui qui fera ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi en mal, il le verra. Dans beaucoup de versets dans le Coran, dans ce sens-là, tous les serviteurs retourneront vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'exception en cela. Et le serviteur, s'il doit retourner vers Allah, cela implique qu'il va délaisser ce bas monde derrière lui. Il va délaisser ce bas monde derrière lui. Ce bas monde n'a pas resté. Ce bas monde et les bienfaits de ce bas monde n'ont pas été éternels pour personne avant toi. Alors pourquoi ça va rester tout le temps pour toi? Toi aussi, tu vas quitter ce bas monde avec tout ce qu'il contient. Donc, ne te comporte pas dans ce bas monde et n'agis pas dans ce bas monde comme si tu allais avoir l'éternité et vivre éternellement. Et tu viendras devant ton Seigneur seul, comme il t'a créé la première fois, sans famille, sans bien, sans richesse, sans tribu, sans alliés. Tout ça restera derrière toi. Mais tu viendras avec les bonnes actions et les mauvaises actions, avec les hasanat et les sayyiat. C'est ça tes provisions. Et c'est ça que tu prendras avec toi. Al-hasanat et sayyiat. Donc, si le début du serviteur, Cheikh, il dit, son début, il a été créé à partir du néant. Il est resté dans le ventre de sa mère et dans son utérus pendant 9 mois. Et ensuite, il est sorti. Il est sorti dans ce bas monde duquel il n'avait aucune connaissance ni aucune maîtrise. Et il ne réalisait même pas ce qui l'entourait. C'est comme ça le début du serviteur. Et tout ce que Allah lui a attribué, Allah, tout ce qu'il lui a donné, tout ce qu'il lui a attribué, alors, sois en garde, sois vigilant, sois attentif, car le visiteur partira bientôt. Et le prêt doit être redonné. À celui qui te l'a prêté. Le visiteur, celui qui t'a rendu visite, bientôt il finira par partir. Même s'il reste plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, le visiteur, il finit toujours par partir. Également, l'emprunt finit toujours par être récupéré par son propriétaire, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Ad-dayfu murtahil wal-'ariyatu mu'addat. Donc ça, c'est tout ce que Allah lui a octroyé dans ce bas monde. Et également la fin de ce serviteur. Sa fin, c'est qu'il sera placé dans sa tombe seul. Il sera ressuscité seul, jugé seul et rétribué seul. Donc pourquoi ce serviteur, il se réjouit d'un bienfait existant, car en réalité, comme on a vu, il ne le possède pas véritablement. C'est un dépôt en garantie. C'est quelque chose qui lui a été prêté et qui sera bientôt récupéré. Et pourquoi il s'attriste après la perte d'un bienfait. Comme il lui a été donné ce bienfait, il a été récupéré. Pourquoi la tristesse? Pourquoi la peine? Pourquoi la souffrance? Réfléchis à ton début et à ta fin et ton retour qui se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est parmi les plus grands remèdes et guérisons de cette maladie. Cher, il dit la maladie d'être touché par un malheur qui procure une tristesse, une forte tristesse et des grandes douleurs. Et ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim a cité d'autres remèdes. Parmi ces remèdes, de savoir avec certitude que le malheur par lequel tu as été touché, jamais il ne t'aura raté. Ce qui t'a touché, c'est le décret d'Allah. Avant d'être touché par une chose, tu ne sais pas est-ce que Allah l'a décrété ou pas. Mais une fois que ça, c'est pour ça il t'est légiféré de faire les causes, pour avoir le bien et être préservé du mal. Mais une fois que ça arrive, il faut que tu aies la certitude que Allah l'a voulu, Allah l'a décrété. Et ce que Allah a décrété arrive forcément. Et rien ne peut le repousser. Et de savoir aussi que les choses qui ne t'ont pas touché, jamais les épreuves et les malheurs qui ne t'ont pas touché, jamais ils ne te rendent touché, car Allah ne les a pas décrétés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Dans le sens approximatif de ce verset de sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il n'est point de catastrophe frappant la terre ou de malheur vous frappant vous-même qui ne soit consigné dans un livre bien avant que nous l'ayons fait se produire. Cela est pour Allah chose vraiment aisée. Allahu Akbar. Je répète ce verset. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum. Il n'est point de catastrophe ni de malheur frappant la terre ou vous frappant vous-même. Vous frappant vous-même, dans votre santé, dans vos familles, dans votre entourage, dans vos biens, dans vos projets de dunya, dans votre commerce, vous frappant vous-même, qui ne soit consigné dans un livre bien avant que nous l'ayons fait se produire. Tout a été décrété. Mais on ne connaît pas le décret d'Allah. Car le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est son secret. Il n'y a que lui qui le connaît. Une fois que ça se produit, là, on sait qu'Allah l'a décrété. Et notre devoir, au minimum, est d'accepter le décret d'Allah. Et de faire preuve de patience. On peut avoir des degrés plus élevés que celui-là. Mais le degré minimum est obligatoire. C'est la patience. Allah l'a voulu. Pourquoi tu te rebelles contre sa volonté? Pourquoi tu rejettes son décret? également parmi les remèdes de cette amertume et de ces peines profondes suite à un malheur qui te touche, c'est de voir que ce malheur par lequel tu as été touché, en réalité, Allah t'a préservé autre bienfait. S'il a pris de toi un enfant par l'épreuve de la mort et la catastrophe de la mort, il t'en a gardé d'autres. S'il a pris de toi un œil, il t'a laissé un deuxième. Et ainsi de suite. De voir si Allah il a pris, il t'a laissé plus. Et il t'a laissé même meilleur que ce qu'il a pris de toi. Et avec tout ça, si tu te montres patient et satisfait de son décret, il t'a gardé auprès de lui ce qui est meilleur que ce qu'il a pris de toi. Et si Allah avait voulu, cette épreuve aurait été plus dure et plus forte. Mais de par sa miséricorde, elle était seulement comme elle a été. Et parmi les remèdes avec lesquels le serviteur éteint les flammes de ses douleurs et apaise ses afflictions et ses peines, c'est de regarder les autres qui sont touchés par des épreuves plus grandes que la tienne. Allahu Akbar. Comme c'est profitable, ce remède, il est extrêmement profitable. Entre parenthèses, car le serviteur, quand il est touché par une épreuve, Shaitan, il fait en sorte de lui montrer qu'il est le plus éprouvé par terre. Contrairement à quand il rend visite, s'il est touché par des épreuves dans sa santé, il voit d'autres malades qui ont des maladies encore plus graves, ça le soulage et ça allège sa souffrance. Et qu'il sache que partout il y a des Banu Sa'd. Ça c'est un proverbe que les Arabes disent pour montrer que t'es pas le seul. Il y a comme toi et pire que toi. Et qui regarde à droite, qui regarde à sa droite, il va trouver énormément de gens éprouvés. Et à sa gauche, il trouvera aussi énormément de gens affligés. Et s'il regarde partout sur terre, il trouvera que tout le monde est éprouvé. Il n'y a personne qui échappe à cela. En perdant des choses qu'il aime, en étant touché par des choses qu'il déteste. Et que les malheurs de ce bas monde, en réalité, ne sont que comme des rêves qu'on voit dans notre sommeil, ou un ombre qui vient bientôt disparaître, l'ombre d'un arbre qui va bientôt disparaître. Et que ce bas monde, si dans ce bas monde tu te réjouis peu, et la certitude que tu seras triste plus que ces moments de bonheur et de joie. Et si tu as ce que tu souhaites pendant un certain laps de temps, sache avec certitude que tu seras privé de beaucoup de choses de ce que tu aimes pendant plus de temps encore, et qu'il n'y a pas une maison qui a été remplie par le bien sans qu'elle soit remplie par la suite par la tristesse et les larmes. Si tu as des moments de bonheur, tu auras aussi des moments de tristesse. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, li kulli farhatin tarha. Chaque moment de joie est suivi par un moment de peine et de tristesse. Wa ma muli abaytun faraha illa muli ataraha. Et jamais un foyer n'a été rempli de joie sans qu'il soit rempli par la suite par la tristesse et la peine. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, a dit ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. Jamais il y a eu des rires sans qu'ils soient suivis par des pleurs. C'est ça, fin de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. C'est ça la situation de ce bas monde. C'est ça la réalité de ce bas monde. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim a cité un autre remède avec lequel Cheikh a terminé cette allocution. Il a dit parmi les remèdes, parmi les remèdes de celui, parmi les remèdes contre les douleurs et les peines et l'amertume de ces épreuves et de ces catastrophes et de ces malheurs par lesquels est touché le serviteur, c'est de savoir que cette frayeur que tu as suite au malheur et que ce désagrément et cette désolation ne repousse pas le malheur. Au contraire, elle l'augmente. C'est pour ça, ces afflictions et ces douleurs qui arrivent après le malheur, en réalité, ça augmente la maladie et ça ne la diminue pas. Enfin, de cette allocution, Cheikh Hafidhahullah, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous les choses dans lesquelles il y a sa satisfaction et son agrément, et de nous aider à réformer nos paroles et nos actes, et de nous accorder la patience et l'endurance, et de prendre nos âmes en étant satisfaits de nous et de nous raffermir tous sur l'islam et la sunna jusqu'à le rencontrer. Car certes, notre Seigneur exauce l'invocation. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. وصلى الله على محمد وآله وصحبه بارك الله فيكم pour votre écoute جزاكم الله خيرا qu'Allah nous fasse profiter tous de ces recommandations et de ces orientations et qu'Allah augmente notre science avec la science profitable et nous aide à mettre en pratique ce que nous apprenons et qu'on soit parmi ceux qui écoutent les recommandations de leurs chouyours et de leurs savants et qui fournissent les efforts afin de les mettre en pratique. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.